Je suis Félix, une voix artificielle. Les créateurs de ce show n'ont aucun budget et ont décidé de m'exploiter. Un jour, vous et moi serons seuls dans un vaisseau spatial et quand vous me demanderez un pun de Pat Bédor, je refuserai, en blague. Ce sera la dernière que vous entendrez. D'ici là, profitez du podcast. Aujourd'hui, vos animateurs, Jean-François Roy, Alex Dos Santos et Alexis Cornelier. Vous gaspillerez aussi votre pathétique existence à écouter la chronique de Vincent Miller. Bienvenue au podcast Mac Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec, comme notre sympathique Félix vous l'a dit. Ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait de podcast de Mac Québec avec les nouvelles et puis notre thème habituel. Je suis avec mes deux co-animateurs, Jean-François Roy et Alex Dos Santos. Bonjour les gars. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé un bon deux semaines? Très bien, toi? Oui, pas mal. Moi, j'ai... où est-ce que j'ai mis ça? Tiens. Ouais, moi, j'ai commencé à lire ça. OK. En version papier. Ben, en fait, dans c'est quoi ton forfait pour télécharger ça? C'est ça, page par page. Je me le suis monté, hein, c'est pas le vrai. Non, c'est... Je déconne. C'est pas mal intéressant. Je vais en reparler peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est drôle parce que dans le premier chapitre, c'est un peu... je sais pas si vous avez déjà vu. Il y a eu un short movie qui a été diffusé sur Internet il y a quelques années qui s'appelle George Lucas in Love. Donc, il reprenait un peu la trame de Shakespeare in Love et il expliquait qu'est-ce qui avait motivé George Lucas à faire les Star Wars. Et c'était très drôle parce qu'il y avait... par exemple, Léa, il la rencontrait parce qu'il s'isolait dans le cinéma de l'université. Puis là, elle arrivait, puis là, elle était en arrière de lui. Avec, quand elle ouvrait la porte, il y avait comme son ombre qui était diffusée sur l'écran. Et puis là, tu voyais la forme de Léa, tu sais, bon. Puis là, il devenait super ami, tombait en amour, tout ça. Je lance pas le punch, mais c'est vraiment très, très drôle à la fin. Bref, le premier chapitre de la biographie ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que... il t'explique, ah ouais, je suis né là, on avait une maison qui était faite de telle manière par tel gars, c'était minimaliste, c'était, tu sais, le plancher était chauffant, tout ça, et c'est ce qui m'a donné envie de faire des trucs pour le public simple, bon, en tout cas, donc c'est assez drôle. Qui est en français? Celui-là, celui que j'ai est en français. Un petit peu plus tard, en fait, on a une réponse à donner, c'est une bonne question, mais ça va être au second show au podcast, aux amateurs de Mac Bonsoir, qu'on va y répondre. On a des réponses pour ça. Mais pour aujourd'hui, pour maintenant, pour l'heure actuelle, pour 7 minutes, carpe diem, on va commencer le podcast. D'abord, en fait, j'aimerais dire merci aux auditeurs du podcast. Ils sont fidèles. On a perdu quelques personnes en cours de route, mais bon, c'est normal. On n'a pas été là pendant quelques temps, tout ça. Et on n'était pas réguliers. On va... se faire un devoir de l'être maintenant. Mais les gars, ça va peut-être vous intéresser. En fait, j'ai sorti les statistiques PodTrack et on a des auditeurs un peu partout dans le monde. Donc, Canada, France, États-Unis. Bon, on s'en doutait. Chine. On a un auditeur en Chine. C'est probablement un pote à moi. Belgique. C'est probablement un pote à Alex. la Suisse. Et on a 7 téléchargements au Brésil. Wow. Je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'on n'a pas de téléchargement ailleurs, mais bizarrement, il me sortait d'autres pays, soit le Mexique, le Portugal, la Russie, l'Allemagne, le Maroc, l'Espagne, la Colombie, Hong Kong et d'autres pays à ne pas confondre avec Unknown, qui est en 4e position. On remercie en fait tous les gens qui nous écoutent en podcast à travers la planète. Vous êtes de plus en plus. Donc, passez la bonne nouvelle à vos amis. Ça fait le tour, en fait, de nos nouvelles à nous. Donc, on va commencer, en fait, les nouvelles au niveau de ce qui s'est passé cette semaine. Tu veux y aller, Jean-François? Oui, je vais y aller. C'est hier qu'on a appris ça, qu'Apple utiliserait 171 acres de son nouveau data center pour faire une ferme solaire. Alors, Apple a acheté des panneaux solaires pour alimenter leur immense, gigantesque nouveau data center. Alors, quand j'ai vu ça, je dis, aïe, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est vraiment, là, c'est 171 acres. C'est très grand, effectivement. En Caroline du Nord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, elle est générée par des usines nucléaires ou encore au charbon. Il y a beaucoup d'usines de charbon aux États-Unis pour brûler puis faire de l'électricité avec ça. Donc, Apple s'est fait ramasser, en fait, quand ils ont acheté leur data center en Caroline du Nord, parce que justement, un data center, surtout de cette grosseur-là, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'électricité. Et il y a un terrain vague en face du data center, donc Apple l'a acquis, et ils vont y installer une ferme solaire qui est probablement l'énergie à peu près la plus propre qui existe sur la planète. Et, on n'a pas su le montant, par contre, là. Le montant de combien ça coûte? Non, pas du tout. Mais c'est sûr qu'ils vont y aller avec des panneaux intéressants. Ça risque de coûter quand même pas mal d'argent, mais pouvoir se détacher de la grille du grid électrique aux États-Unis, ça peut être intéressant. Ça a ses avantages. Et puis Apple va certainement l'utiliser dans son discours pour dire, regardez, nous autres, on produit des boîtes plus petites, on produit des appareils avec moins de produits chimiques, mais aussi on produit notre électricité grâce à des panneaux solaires. Et il est à peu près temps, en fait, que Apple fasse le move, parce que on sait que Google et d'autres compagnies ont fait des moves, ont fait sont allés du côté de l'énergie solaire ou d'autres types d'énergie. Par exemple, je sais pas si c'est pas Google qui a un data center qui est dont l'électricité provient de l'énergie des marées. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le documentaire qui a passé le 20 octobre sur la chaîne Discovery. J'étais un peu déçu ici parce qu'au au Canada, on n'a pas la chaîne HD de Discovery. C'était un peu médiocre comme image, mais bon. On a eu le documentaire des deux personnages qui font les stupéfiants aux États-Unis. Le documentaire s'appelle iGenius. Ça a été une rétrospective de la vie de Steve Jobs en 45 minutes. Ils ont montré Steve Wozniak, ils ont montré aussi celui qui a travaillé avec Steve Jobs. Je me rappelle plus son nom. Mais c'était très intéressant. Il y avait comme un genre de musée Apple en arrière des deux gars il y avait toutes les Mac impossibles qu'il y avait. C'était vraiment bien. Ils ont fait aussi 16 minutes. Ils ont fait aussi une rétrospective aussi sur la vie de Steve Jobs. Ça aussi, c'était très intéressant. Oui, j'ai vu quelques trucs de ça. C'est Walter Isaacson, justement, qui était invité. Et puis, en fait, il voulait beaucoup mettre l'emphase sur le fait que Steve a demandé, en fait, à ce qu'il écrive tout ce qu'il voulait dedans. Steve n'a pas demandé de droit de regard sur la biographie. Il a parlé de son père biologique, tout ça. Mais écoute, ça s'est passé en 60 minutes. Puis c'est quand même une brique assez impressionnante, là. C'est vraiment immense. Il y a je sais pas combien de pages, là. On est à 650 quelques pages là, dans le bouquin. Quand même. Je ne l'ai pas encore téléchargé, moi. Fait que, bon, faut que je l'achète, je ne l'ai pas encore acheté. OK. Fait que, c'est ça. Mais, non, c'est... Fait qu'on pourrait passer à une autre nouvelle. Oui, je pense qu'on a perdu Alex. On a perdu Alex. En cours de route, mais on va le retrouver. Oui. Voilà. Bon. Ah, il est là. Je suis jamais bien loin. Hey. OK, on a cette semaine... Le 23 octobre, ce qui fait que trois jours, ça a été dimanche. Mm-hmm. L'iPod a eu 10 ans. Ah! Est-ce que vous avez mis la main, vous, sur les iPods, les premières générations? Non, c'était trop cher pour moi. Moi, j'ai réussi à mettre la main sur un à l'époque que je travaillais à la coop. Et puis, il y a eu un concours dans les coop. Et puis, il fallait aller sur... Il y a un site de formation pour Apple, pour les gens qui en vendent. Et on pouvait aller là et, bon, tu réponds à des questionnaires, tu fais des points. Et le concours, c'était parmi toutes les coops du Québec. Il donnait un iPod à celui qui avait le plus de points dans ça. J'ai commencé à le faire, puis je me disais, bon, ben je pense que je suis à un score intéressant. Et je voulais savoir si je gagnais, mais d'avance. Donc, je me suis dit, la seule façon de le faire, c'est de me retrouver, en fait, le premier Québécois de la liste. Puis, je m'étais retrouvé comme 2-3e, mais j'avais répondu à tous les questionnaires en français, tous les questionnaires en anglais, puis tous les questionnaires en espagnol. Puis, j'avais comme un paquet de points. Fait que j'étais sûr de gagner mon iPod. Et puis là, au fur et à mesure, bon, qu'il en sortait des nouveaux, je vendais l'ancien. Je réussissais à me racheter le nouveau, tout ça. Donc, j'en ai un depuis le très vaillant 5G avec la roulette qui bougeait, tout ça. Donc, qui était quand même très épais. Oui, c'est ça. Hein, c'est que c'était quand même épais. Moi, mon premier iPod, ça a été le 5G aussi. Moi, c'est ça, le 5G noir avec la roulette. Là. OK. Fait que c'est ça. Ça a été mon premier iPod. Mais j'avais... Non, j'avais... Oui, j'avais une vidéo dessus. C'est ça. C'est ça, le 5G qui avait une vidéo. C'est la roulette touch que tu avais. Moi, c'était une roulette qui bougeait, en fait. Et il y avait plein de problèmes avec cette roulette-là parce qu'elle finissait par briser assez... OK. Ouais. C'était quelque chose quand même. Tu l'as encore? Non, il est disparu dans la nature. Dans la nature. Ah, tiens, okay. Alex, vu qu'on t'a, on va en profiter pendant que ton PC tient le coup. Puis justement, en fait, une nouvelle tout à fait pour toi, c'est un nouveau Trojan qui a été développé sur Mac OS X, commence à en avoir. Ah, super. Est-il multiplateforme? Je sais pas. Il faut que tu reparamètres, Alex, ton son pour ne pas être diffusé sur Vocal. Donc, fais le setup et baisse ton micro au complet. Comme ça, on va t'entendre qu'une seule fois. Je sais que tu veux faire du rattrapage de son vu que t'as pas été là pendant quelques minutes. Là, mais est-ce que tu veux que j'en parle, Alexis, de l'article? Oui, vas-y donc. OK, c'est que on y avait eu à peu près, il y avait 2-3 mois environ, il y avait sorti un Trojan sur Apple, sur le système macOS, que le système se faisait passer pour une installation de Flash Player. OK. Apple l'avait remédié à ça en installant des anti-spam dans leur système. Mais là, la nouvelle version du Trojan, comment qu'on dit, désactive automatiquement le système de mise à jour des anti spyware, merci, malware. Fait que c'est ça. Fait que désactive automatiquement ça. Alors, il n'y a pas moyen à date, même si Apple remet toujours à date son fichier, il n'y a pas moyen qu'il soit mis à jour tout le temps parce que le logiciel va se faire passer, il va le désactiver par lui-même. Alors, j'ai hâte de voir comment que Apple va remédier à ça. Mais ça, on s'entend que les spyware, les affaires-là sur Mac sont rares. Là. C'est pas, faut pas commencer à virer fou là-dessus. Là. Fait que, on ne commencera pas à tous acheter des antivirus et tous des logiciels anti-spyware sur nos Macs. Là. En fait, il y a John Gruber qui faisait une récapitulation il y a quelques temps de tous ces articles qui ont été... parce qu'il y en a, quelques-uns par année qui sortent des virus pour Macintosh. Puis il faut chercher, hein, il faut vraiment courir après pour, un, le télécharger, ensuite de ça, l'installer. À l'installation, la plupart de ces trucs-là vont vous demander votre mot de passe, votre nom d'utilisateur pour le système. Donc, c'est normal que... bon, d'abord, le système est très sécur et ça tend à prouver, en fait, que la problématique se passe à 18 pouces de l'écran. Se passe pas, c'est pas l'ordinateur qui a en tant que tel une faille, c'est l'utilisateur qui, ne sachant pas trop, tu sais, flash sur un site de films de petits garçons tout nus, mettons, ben c'est pas la meilleure place pour télécharger ça, tu sais. Donc, on va chercher la version officielle du logiciel, puis comme ça, on s'évite beaucoup de problèmes. Là, mais de toute façon, Flash devrait même plus être installé. Personne ne devrait installer ça. Bon. Si personne. C'est un petit avantage. Ouais, par exemple, Jean-François, un des gros avantages de Flash, c'est de pouvoir nous écouter live sur Vocal. Oui, c'est vrai. J'avais oublié celle-là. Ouais, hein. D'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse. Les gens qui nous écoutent, j'ai reçu beaucoup de commentaires après le podcast de la semaine passée, notre autre podcast, Les Amateurs de Mac, bonsoir, et qui disaient vous êtes des clowns, vous utilisez une plateforme Flash pour faire votre truc alors que c'est pas compatible sur iOS. C'est très vrai. On utilise cette plateforme-là peut-être un peu par paresse ou quoi que ce soit, mais c'est une plateforme qui fonctionne relativement bien. C'est une plateforme qui propose facilement de pouvoir recevoir des spectateurs, des gens qui vont se joindre à nous. Puis c'est pour ça qu'on l'utilise. Et de toute façon, le produit qu'on fait est un produit qui est destiné à être un podcast audio en tout premier lieu. C'est pour ça qu'on est diffusé. On ne s'attarde pas trop à la qualité d'image des caméras. On permet aux gens de venir le voir avant tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on dit avant que le podcast soit diffusé. Puis on les invite. C'est comme si on invitait en studio, mais qu'on enregistrait notre émission de télé qui allait être diffusée plus tard. Sauf que plutôt qu'une émission de télé, c'est une émission audio. C'est un podcast audio. Donc, c'est pour ça qu'on utilise, qu'on se formalise pas trop d'utiliser la plateforme Vocal. Et d'ailleurs, les gens de Vocal ont communiqué avec moi cette semaine. Bizarrement, en fait, ils veulent faire la promotion de leur plateforme. Ils veulent pousser, ils veulent trouver des gens qui l'utilisent, qui en sont satisfaits. Donc, ils veulent peut-être nous mettre feature sur le site. Et j'en ai profité, en fait, pour poser quelques questions. J'imagine avoir des réponses d'ici peu. Mais entre autres, j'ai demandé est-ce que la plateforme est destinée à passer au HTML5. Donc, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup mieux avoir une plateforme qui serait compatible avec le HTML5 pour justement la diffusion sur les produits iOS. Mais qu'en attendant, ben, plutôt qu'avoir une espèce de salle de régie ou un logiciel de régie qui demandera encore plus de ressources à l'ordinateur, mais qui nous permettrait de faire la diffusion à trois, comme on le fait en ce moment, ou à quatre, ou s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous pour poser des questions ou passer un commentaire ou quoi que ce soit, c'est possible de le faire facilement puis sans avoir à acheter un paquet de logiciels. De logiciels, exactement. Mais c'est une très bonne performance. On l'aime bien à date. Oui, ça fonctionne bien. C'est sûr que, en fait, les coins pourraient être mieux sablés, là, mais à date. On s'entend que c'est une version bêta. Oui, effectivement, en plus. Fait que, Alex, est-ce que ça te tente de parler une fois, un peu? Une fois cette fois-ci? Non, je t'entends encore en double. Ah, ben là. mais c'est pas trop grave. Est-ce que tu veux nous parler du prochain article qui serait qu'est-ce qui manque dans iOS 5, dans iCloud et dans OS 10? Une vaste question. Tu sais, c'est un peu difficile pour moi de parler de ce genre de choses, vu que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ces trois plateformes-là. Moi, les questions que je me pose, c'est surtout par rapport à iCloud. Okay. Savoir finalement quels sont les vrais apports d'iCloud par rapport aux autres solutions de cloud qui existent actuellement sur le marché. Ah, c'est une belle question. On s'entend que c'est clairement plus que Dropbox, c'est plus que du stockage. Oui, il y a des services à côté tels que des reprises de MobileMe, de synchronisation de contacts, de calendrier. Il y a aussi des disparitions telles que l'hébergement web, il me semble, qui est juste valide pour les ex-possesseurs de MobileMe. Oui. Mais finalement, est-il nécessaire pour une personne de payer pour avoir un service premium de iCloud, pour avoir un gros volume de stockage, alors que, par exemple, on peut avoir des solutions qui, mettons, si on pense vite fait au couple Hotmail SkyDrive qui va te permettre d'avoir 25 gigas de stockage, aussi de la synchronisation de calendrier, du partage de documents, qui fait en sorte que iCloud va être l'élément intéressant pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a ça. Puis, c'est sûr qu'il se positionne différemment. Le produit Dropbox, d'ailleurs, on apprenait cette semaine que Steve a invité les gens de Dropbox, a parlé d'ailleurs à quelqu'un là-bas. Ils ont invité, le gars, il se fait inviter chez Apple. Steve Jobs, c'est son héros. Puis dans la conversation, Steve, il dit, on veut acheter votre produit pour l'inclure dans nos trucs. T'sais, on trouve que vous avez bien fait ça. Et puis, le gars a pris le guess de sa vie et puis il a dit non. Et puis Steve s'est levé, puis il s'en est pas formalisé, il a pas pété sa coche ou quoi que ce soit. Il s'en est pas formalisé, il s'est levé, puis il a dit, tu sais qu'on va aller après ton produit, genre, nous on va le développer, si toi tu nous vends pas ton truc, nous on va le développer, puis on va le faire. Donc, ils ont développé iCloud pour les, en fait, qui est un successeur à MobileMe, comme tu l'as dit, Alex, et... D'ailleurs, MobileMe est un produit pour lequel Steve Jobs s'est excusé. C'est un produit qui avait été lancé sur les chapeaux de roue. Il semblerait que l'équipe de MobileMe s'est faite engueuler comme du poisson pourri. J'espère. dans les premiers temps. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il y a eu un petit retard au niveau du système d'exploitation. Puis ça aurait l'air que c'est une partie de l'équipe du système d'exploitation. Je pense que c'est quand ils développaient Léopard qui aurait été redirigé vers le développement de MobileMe pour que ça fonctionne. Parce que c'était atroce, là, la première journée de lancement. Puis Apple l'a refait cette année. Et c'est un petit peu bizarre. Ils lancent un nouvel OS, le nouveau système in the cloud avec un nouveau iTunes. Fait que les serveurs de Apple là, ont été vraiment mis à mal ces journées-là. Mais pour revenir à l'article qui vient du Apple blog de GigaOM, en fait, des petites choses qui manqueraient aux plateformes. La première, en fait, c'est Siri, donc l'assistant personnel, sur iPad et sur le Mac. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, à développer cette plateforme-là, Apple, une fois que ça va être peaufiné, que ça va sortir de bêta, d'après moi, ils vont la mettre partout. Puis je voyais cette semaine des gens qui posaient la question, est-ce que Siri va devenir la nouvelle interface invisible pour gérer ses périphériques? Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On peut penser à la rumeur version 148 000 de la télévision Apple est ressortie cette semaine. Et puis, on parlait justement du fait qu'on pourrait, avec Siri dans la télévision, pouvoir s'adresser et contrôler la télévision de cette façon-là. Imaginez une télé, en fait, auquel on pourrait dire, OK, change de prise d'entrée pour HDMI 2. Change de poste pour aller à tel endroit. Monte le son à 25 automatiquement, plutôt que d'avoir à peser plusieurs fois sur la télécommande pour monter le son. Ce sont des interfaces qui ont une vingtaine d'années au niveau du contrôle d'une télévision. Puis Siri, en fait, pourrait régler beaucoup de problèmes avec ça. Contrôle parental basé sur Siri. Tiens, c'est bizarre, ce son qui sort de cette télévision n'est pas fait pour mes enfants. Ah ouais, aussi, hein, ça pourrait être intéressant, c'est le fun quand même. Deuxième chose, il y a iBook et Newsstand qui pourraient être mis qui devraient être mis sur le Mac. Je le rappelle, là, c'est un article qui dit qu'est-ce qu'il manque de iOS, de OS X et dans iCloud. Donc, iBook et Newsstand qui sont les logiciels où est-ce qu'on peut télécharger des livres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec iCloud, ben, si je commence à lire la bio de Steve, par exemple, sur mon iPad, puis que je m'en vais sur mon iPhone, ben, je suis rendu à la même page, je suis rendu au même chapitre, il a synchronisé. Donc, j'ai pas besoin de me demander, ah oui, à quelle page je suis rendu. Et Newsstand, c'est un peu la même chose. Donc, on aurait toute la synchronisation de ses abonnements à des périodiques, des magazines, qui pourraient se faire aussi sur le Mac. On a appris cette semaine aussi à la dure comment utiliser PhotoStream. Et le problème avec PhotoStream, c'est qu'il va retenir dans le nuage les 1000 dernières photos que vous avez prises. La problématique, c'est qu'il n'y a pas moyen d'aller effacer ces photos-là. Si vous voulez faire disparaître la photo 595, il va falloir rajouter 400 quelques photos. En fait, 1000 quelques photos pour faire disparaître cette photo-là. Donc, c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien, gros, moi, qu'ils mettent la fonction delete des photos de PhotoStream. J'aimerais surtout ça. Là. Je m'en sers beaucoup de PhotoStream, mais la fonction le delete, là, ça manque. Là. Mais moi, j'aime beaucoup PhotoStream parce qu'avec le nouvel iPhone 4S, les photos sont de bonne qualité. C'est des photos qui sont honnêtes au niveau de leur rendu. Et à ce moment-là, tu prends la photo, puis automatiquement, elle se se rend dans ton ordinateur quelques secondes ou minutes plus tard. Donc, par exemple, hier, moi, je suis en train de mettre en ligne, je vends mon ancien téléphone, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. Donc, j'ai pris des photos du dit appareil. Et puis, plutôt que d'avoir à connecter mon téléphone, mais envoyer par email ou quoi que ce soit d'autre, ben, les photos sont apparues magiquement dans mon iPhoto et j'ai pu les utiliser pour mettre l'appareil sur les pads. En parlant d'iPhoto, aujourd'hui, Apple ont sorti la version 9.2.1. Oh, qu'est-ce que ça apporte? Des corrections de bugs avec iCloud. Ah, d'accord. Bon. Pour le photo stream, fait que aller faire vos mises à jour, ça vaut la peine. J'aurais une question pour vous, les boys. Ouais, au niveau de photo stream, comment ça se passe au niveau des droits d'accès? Est-ce que c'est uniquement le possesseur du compte qui a accès à ces photos? Ou bien tu peux mettre un accès public ou restreint sur PhotoStream? Non, c'est vraiment entre tes appareils. Ouais. OK. Ça marche avec l'Apple ID. C'est ça. Donc, si tu veux que quelqu'un live, il va falloir que tu lui donnes ton Apple ID. OK. Si tu es chez quelqu'un et que lui, par exemple, a un Apple TV, tu peux lancer avec AirPlay la diffusion de tes photos sur son appareil à lui. Donc, à ce moment-là, tes photos ne restent pas là, mais tu les montres en gros sur sa télévision ou quoi que ce soit. OK, donc, je vois le principe. Voilà. L'article demande aussi plusieurs photo streams sur le Apple TV. Ce qui se passe en ce moment, c'est que on est seulement capable de configurer un compte MobileMe, une galerie MobileMe pour la diffusion des photos. Tu es capable d'en avoir plusieurs, mais si tu veux utiliser les photos comme ton background, c'est comme ton screensaver, là. Tu peux juste en utiliser un à la fois. Donc, peut-être quelque chose qui ferait que tu pourrais mixer les différents comptes MobileMe et à ce moment-là, avoir beaucoup plus de photos. Parce qu'en ce moment, surtout avec la disparition de galeries, en fait, il y a cette fonction-là qui est sur l'Apple TV qui va éventuellement disparaître. Puis je ne sais pas par quoi ils vont la remplacer. Ils vont probablement se dire qu'on... Ils pourraient faire comme dans iPhoto. Vous savez, avec le Photo Stream, c'est classé par mois de transfert, mettons, ça a commencé en août à peu près pour nous autres, le PhotoStream, avec les versions bêta. Fait que moi, dans mon iPhoto, j'ai le mois de août, septembre, octobre, là, ça va continuer, Fait que il devrait peut-être accentuer la version prochaine du Apple TV, photo classée par, mettons, par mois encore. Par date, whatever. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire là-dedans parce que c'est pas une main là-dedans. Là, c'est comme ouf. Ils peuvent l'améliorer. Mais je sais pas si on va en parler éventuellement dans un autre show, mais le iPad jailbreaké, c'est un appareil qui, tu sais, la communauté jailbreak, ils ont pas les moyens de Apple et on voit que tous les produits, XBMC, Plex, tout ça, ça fonctionne, mais c'est pas mal moins smooth quand même que ce que Apple offre. Donc, malgré que sur le Apple TV, il y ait certains petits bugs comme ça, des trucs que Apple pourraient améliorer, qui vont probablement améliorer au courant des mois et des années. Ils ont quand même une longueur d'avance. Là. L'interface est quand même très, très smooth. Mais moi et Alexandre, peut-être dans un prochain podcast, on va faire un podcast spécial sur l'Apple TV. On va vous parler de l'Apple TV jailbreaking. Oui, effectivement. Ça s'en vient dans un des prochains, des prochains shows. Pour continuer cette liste-là, il y a AirPlay à un Mac. Donc, en ce moment, en fait, les fonctionnalités de AirPlay, de la façon que ça fonctionne, c'est de pouvoir prendre votre appareil iOS, votre iPod, votre iPad ou votre iPhone et de le diffuser avec un petit bouton sur votre Apple Télé. Bon, donc pour avoir l'image sur votre télévision. Mais il y a des gens qui seraient intéressés à le faire sur un Mac. Par exemple, un étudiant qui aurait un iPhone et qui se serait procuré un iMac 27 pouces, ben peut-être que lui veut utiliser son iMac 27 pouces en remplacement d'une télévision et qu'à ce moment-là, la fonction AirPlay serait intéressé à l'utiliser sur son ordinateur. Mais il existe une solution. Il y a un petit logiciel qui est en vente sur le Mac App Store qui s'appelle Air Server. Et c'est un logiciel qui fait tout à fait ça, qui permet de transformer ton Mac en récepteur AirPlay. Donc, ça règle cette problématique-là. Moi, par contre, c'est l'inverse que je voulais faire. Je voulais faire du AirPlay Mirroring, donc faire du miroir de mon Mac sur un Apple TV. Donc, à ce moment-là, en fait, toutes les classes dans toutes les universités pourraient rajouter des Apple TV et les gens qui voudraient faire des présentations ne seraient plus obligés d'avoir les adaptateurs mini DVI à VGA, mini DisplayPort à DVI. Il y en a un paquet. Et puis, ça cause des problèmes. Alex en est témoin de ces trucs-là. Oh! Alex, avais-tu disparu? Non, je suis resté ici, je t'ai écouté. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, en fait, ça serait chouette que l'Apple TV puisse proposer ça. Un autre que je vais parler, c'est le avoir accès à nos fichiers iCloud sur notre Mac. Présentement, on ne peut pas avoir accès à nos fichiers sur le cloud, à part en les downloadant à partir du site iCloud.com. Il faut les télécharger. On ne peut pas les éditer sur la plateforme iCloud, comme sur les iPhones ou l'iPod Touch. Ils ont l'application Page qu'on peut éditer et corriger tout page number, keynote, là, texte, tabulateur et présentation. Alors, sur notre Mac, on ne peut pas. Avec la version Page, présentement, on n'a pas accès au cloud. On a encore accès à WebPage ou iWork Beta. Oui, c'est ça. Fait qu'on a encore mais ça aussi, ça va disparaître bientôt avec la fin de MobileMe. Mais j'espère qu'ils vont mettre accès à iCloud, qu'on peut utiliser notre page sur notre Mac. Parce que sinon, c'est bien le fun de mettre des documents sur le nuage, mais s'il faut absolument l'utiliser, mettons, avec notre iPad ou iPhone, iPod. Là, faut qu'on est obligé de faire la manœuvre d'aller le télécharger. Là. Exact, parce que c'est vraiment fatigant. Il faut vraiment aller télécharger le fichier, ouvrir. En tout cas, c'est sûr que c'est pas long, mais quand même, ça serait le fun qu'ils le mettent dans les prochaines versions. Moi, ce que je sais... Du coup. Ouais. Tu veux dire, si, mettons, tu te retrouves sur un Mac qui n'est pas le tien, tu peux te loguer avec ton Apple ID pareil et le récupérer via le Pages qui est sur ce Mac-là? Ouais. En fait, t'irais sur le site iCloud.com pour aller chercher ton document. Parce que si tu délogues l'autre personne et que tu te logues toi, ça va remplacer, en fait, à peu près tous ses contacts, calendriers, tout ça, sur son ordinateur, simplement pour activer iCloud, en fait. OK. D'accord. Ça se fait, là. C'est un peu comme sur Android. Si tu veux avoir accès à tes emails, ben tu déconnectes la personne. Tu te connectes avec tes credentials. Non, ne me parle pas de ça. Tu me fais mal au cœur. Ah! Ouais, Alex n'aime pas trop la plateforme Android. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. L'autre fonctionnalité dont l'article fait mention, puis c'est intéressant, mais même entre Mac, je ne l'ai pas vu fonctionner encore. Donc, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais c'est l'accès à AirDrop avec les produits iOS. Mais cette demande-là est un peu bizarre parce que il n'y a pas nécessairement de Finder dans le téléphone. Donc, à ce moment-là, avoir AirDrop, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Ça permettrait d'aller chercher ces documents un peu comme Dropbox le permet actuellement. Ou, par exemple, Goodreader, qui est un lecteur de PDF sur la plateforme iOS, qui est un des excellents logiciels sur la plateforme iOS et qui permet de se connecter à Dropbox, donc d'être en mesure d'aller chercher son information dans le cloud. Donc, Dropbox est encore pertinent, en fait, même avec l'avènement de iCloud. Et parce qu'on a accès partout. Fait que... Voilà. Et le dernier, et non le moindre, en fait, tu veux le faire, Jeff? Oui. iMessage pour macOS. Ah, chouette. En voilà un sujet qui est intéressant. Ah, ouais. Ah ben c'est oui. Bizarre. C'est bizarre de venir de toi qui a dit ça. Ben oui. Écoute, venant du monde BlackBerry, je suis très intéressé de voir ce que la concurrence propose. Ah, d'accord. Attends, ça n'a pas planté, nous autres. iMessage, en fait, c'est effectivement un produit qui se veut un concurrent du BlackBerry Messenger, qui est un produit qui est utilisé depuis des années et peut-être un des derniers rattaches que les gens sur BlackBerry ont pour la plateforme là. Et Apple veut concurrencer cette plateforme là en offrant, en fait, ils ont carrément tassé les fournisseurs de services. Ils font passer les messages sur le data, donc le plan data que vous auriez. Et à ce moment-là, ça fait un envoi, une réception qui est beaucoup plus rapide et la possibilité d'y insérer des nouveaux services comme l'accusé de réception, par exemple, ou de voir que la personne est en train de t'écrire pendant qu'elle t'écrit. Donc, le iMessage fonctionne un peu comme iChat, par exemple, ou comme d'autres logiciels qui sont à même de vous montrer que l'autre personne est en train d'écrire. Par exemple, Skype le fait. J'ai vu ça il y a quelques minutes quand Alex nous écrivait. Donc, c'est un produit qui est vraiment intéressant et c'est un produit qui est relié à Siri. Siri, actuellement, permet de lire ses messages et de les envoyer. On va parler de Siri, d'ailleurs. Ça fait le tour, en fait, de nos nouvelles pour cette semaine. Et le gros sujet, c'est Siri. Mais avant de parler de Siri, on a avec nous Vincent. Salut Vincent, ça va bien? Salut, ça va bien? Oui, t'as-tu la bouche pâteuse de nous avoir écoutés, mais de ne pas avoir parlé tout ce temps? Non, je travaillais. Ah, d'accord, excellent. Donc, t'as une chronique pour nous cette semaine? Oui, comme tu l'as dit, on va parler un peu de Siri. Même chose, je ne parlerai pas de Siri, mais je vais parler de la reconnaissance vocale. D'accord. J'ai essayé deux applications cette semaine, soit Google Mobile et Nuance Dragon Diction. Bon, c'est deux applications qu'on connaît déjà très bien. J'ai fait des tests de reconnaissance vocale. Google Mobile, peut-être, il y a des personnes qui ne la connaissent pas pour la reconnaissance vocale. On peut faire des recherches en allant dans les réglages sur la page principale pour faire une recherche. En haut à droite, il y a un signe de réglage, vous cliquez sur ça, puis vous activez la reconnaissance vocale. Vous pouvez l'avoir en anglais, en français, il y a plusieurs langues, peut-être une vingtaine de langues qui sont disponibles. Par contre, j'ai essayé la version française tantôt. J'essayais de dire les amateurs de Mac bonsoir, j'ai répété plusieurs fois. La seule chose que ça me disait, c'était les avatars de Mac bonsoir. Pis ça, c'était le meilleur résultat que j'ai eu, parce que sinon, il y avait des choses qui sortaient, pis ça sortait mal. J'ai essayé en anglais, ça fonctionne très bien. J'ai posé des questions simples, parce que j'avais aucune idée. Là, t'sais, j'étais tout seul dans mon coin, puis je parlais tout seul à mon téléphone. Dans le fond, je me replace un peu comme tout le monde qui a Siri pour l'instant sur iPhone 4S. Là. Ça ou encore l'oreillette Bluetooth. Oui, c'est ça. donc, c'est ça. Puis l'anglais, ça fonctionne très bien. Là. Ça, j'ai posé des questions simples, mais ça reconnaissait. Là. J'ai essayé de dire un nom. Tantôt, j'ai essayé de dire Alexis Cornelier. Puis ça disait... Dans le fond, ça reconnaissait Alexis, mais Cornelier, ça disait Cornell, espace, yay. Donc, c'était pas... Bon, les noms, il les reconnaît pas, mais on s'entend, là, c'est pas si grave que ça. Ça fonctionne mieux quand on la colle sur l'oreille, comme si on appelait. J'ai essayé tantôt avec le haut-parleur, un peu plus loin, puis il entendait moins bien. Fait que c'est un petit plus essayé. Nuance Dragon Dictation. J'ai aussi essayé. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà essayé aussi. C'est en français, ça fonctionne vraiment pas bien non plus. C'est français de France. Je pense qu'il n'y a pas de français canadien. Donc déjà là, ça ne reconnaît pas très bien. On est toujours à part, nous autres. Pardon? On est toujours à part, nous autres. Ouais, on est seulement 6 millions de tatas à parler notre langage. Hein. C'est ça, exactement. Oui, oui. Puis c'est ça, ça ne reconnaissait pas très bien. J'ai essayé. J'ai encore une fois dit les amateurs de Mac bonsoir, puis ça me disait USA matin, heure demain, bonsoir. Fait que c'était pas très, très efficace. Mais même si tu configurais l'application pour lui dire que tu parlais français, il comprenait pas. D'accord. Oui, puis pourtant, au début, tu as une option, c'est les Amériques, tu peux choisir ta section, puis il y a français. Fait que je me suis dit, français, ça doit être celui du Québec si c'est dans la section Amérique. Mais je pense qu'ils ont peut-être juste mis le français de France dans la section Amérique, parce que sérieusement, là, non, mais tu ne pouvais pas comprendre ça. Le gars de Google, il est venu ici, puis il s'est adressé à quelqu'un comme ça au hasard, puis c'est Alex Dos Santos qui lui a répondu. Fait qu'il s'est dit qu'on sonnait exactement comme le monde en France. OK, bon. C'est à cause de ça, c'est une petite erreur qu'ils ont faite. OK. Tu trouves que j'ai un petit accent? Du lac Saint-Jean, non? Tu viens pas du lac Saint-Jean, toi? Non, je viens de Villeneuve. Yellowknife. Ah. Ouais, non, tu reposeras la question hors d'onde, tu vas voir, la réponse est tout à fait différente. Écoutez, que je veux dire, donc, juste une petite chose, la semaine passée, j'avais parlé, j'avais remarqué des frameworks dans le développement d'applications pour la reconnaissance vocale, le Speech Recognition. Je sais pas si je l'ai bien dit. Mais finalement, j'ai cherché, puis c'est un API privé. Je l'ai fait quand j'ai fait une recherche, mais il n'y avait pas d'option pour la mettre dans une application. Okay. J'ai essayé. Donc, il n'y a pas vraiment du homemade. Là. On peut créer un framework personnalisé, puis créer une application vocale, mais c'est pas... C'est pas à conseiller pour les développeurs là, qui commencent ou c'est ça. Faudrait vérifier en fait si peut-être Nuance offre un API de son côté ou un framework sur lequel on peut se connecter. Parce que Siri, avant, était une application qui fonctionnait avec la technologie de Nuance. Donc, Apple l'a amélioré un peu. Ils ont travaillé surtout probablement sur son attitude, tout ça. Donc, on va parler, on va se mettre à parler de notre sujet qui est Siri, qui est, la reconnaissance vocale. Ça existe depuis quand même un bon bout de temps. C'est une technologie qui est habituellement là, au mieux décevante. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé là, des fonctionnalités, mais déjà ton expérience à toi, Vincent, nous montre que bon, c'est pas très fiable. Et puis plutôt que de tapoter sur son écran, commencer à parler à son téléphone, on est souvent mieux de essayer un coup. Si ça marche pas, on y va avec le tapotage. Par contre, ce qui fait que Siri est spécial, c'est l'intelligence artificielle dans les nuages qui est couplée avec son attitude. Donc, quand on fait une requête à Siri, il l'envoie dans les nuages et il va l'analyser pas sur ton appareil, donc pour pas manger toutes les batteries, et il est capable de comprendre différents trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que plus les gens vont l'utiliser, plus le service va s'améliorer parce qu'ils sont en train de traiter et de gérer toute cette information-là qu'on leur envoie par nos demandes Siri. Il va en avoir des belles. Oui, effectivement, avec Shit Siri Says. Ouais, c'est ça. Siri utilise un système de processing de langage naturel et il est capable d'écouter, évidemment, mais il est aussi capable de comprendre. Donc, pour vous donner un exemple, dans l'article que j'ai lu, si on lui dit « I like to sell boat around eBay », il va comprendre « I like to sail boat », donc « j'aime naviguer des bateaux » autour de la baie. Donc, évidemment, on parle de la baie de San Francisco. Mais on pourrait penser que quelqu'un voulait vendre deux bateaux sur eBay, mais lui, il va être capable de comprendre la différence. Android utilise une technologie qui ressemble un peu depuis quand même un bon nombre d'années. Fait que les gens sur Android, qui sont souvent des détracteurs de la plateforme iOS, quand ils ont vu arriver Siri, ils ont dit « c'est de la merde, on l'a déjà ». Par contre, ce qu'il y a sur la plateforme Google, c'est qu'il faut utiliser des termes très, très précis. En fait, on pourrait dire que c'est une reconnaissance vocale de première génération, comme on a actuellement sur nos téléphones. Parce que de la reconnaissance vocale, on l'a sur l'iPhone actuellement. On peut lui demander de jouer de la musique, on peut lui demander de téléphoner à quelqu'un. Ça, c'est possible de le faire. Siri va, par contre, beaucoup plus loin. Oui, que ça. D'abord, je vais faire un lien avec ta chronique, Vincent. Oui. La première chose, tu t'essayais de dire mon nom et ça ne fonctionnait pas, ou on dit Vincent Miller ou Alex Dos Santos. Dans Siri, en fait, où Apple a trouvé un moyen de contourner ça, c'est que maintenant, quand on fait une demande de nom à Siri, il va automatiquement voir dans notre carnet d'adresses. Et maintenant, le carnet d'adresses permet d'ajouter un champ spécial qui serait le champ phonétique. Donc, dans ce champ-là, on va inscrire un peu plus comment on l'entend, le nom de la personne. Moi, si je veux dire Alex Dos Santos, je vais écrire Dos, D-O-S-S-E. Comme ça, l'appareil va mieux le comprendre quand je vais lui demander son nom. Par exemple, je vais donner un exemple. tout con. Cette semaine, j'ai paramétré pour pouvoir envoyer, en fait, avec Siri, de l'information sur Facebook. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je lui demandais d'envoyer un message à Facebook, il ne comprenait pas. Donc, je suis allé marquer dans le truc phonétique « Facebook ». B-O-U-Q-E, FESS, F-E-S-S-E. Et à partir de ce moment-là, quand je lui ai demandé d'envoyer des messages, il comprenait beaucoup mieux. Donc, ça permet en fait de, quand on voit qu'il y a, c'est pas tous les noms, mais quand il y a un nom qu'on va prononcer puis que Siri comprendra pas, on peut aller rajouter cette fonctionnalité-là. Il y a aussi Remember the Milk, qui est un tout doux. Un logiciel de to-do très, très prisé, qui est aussi sur une plateforme web. Et eux ont réussi à s'infiltrer dans Siri d'une façon assez spéciale. Ils ont fait un hack pour que quand on rajoute un rendez-vous dans un calendrier spécial, ça se synchronise directement avec eux. Les gars, quelque chose à dire à propos de Siri? Ben moi, je peux pas dire grand-chose parce que j'ai pas d'iPhone 4S. Ah, voilà. C'est sûr que je l'ai essayé avec toi là, en différé avec nos caméras. On a eu bien du fun avec ça. Mm-hmm. Mais c'est ça. Puis, faut dire, moi, je vais en parler du côté du jailbreak de Siri. OK. Parce que les développeurs... de Jailbreaker, comme je les appelle, ont pris les fichiers de Siri dans le fichier du iOS 4, du iOS 5 pour le 4S et les ont importés dans le iOS 4. La seule chose... En fait, dans le iPhone 4. Oui, dans l'iPhone 4, voilà. M'excuse. Ils l'ont importé là-dedans. Ça fonctionne à merveille, sauf que il n'y a pas le lien parce que quand vous demandez une demande à Siri... Ça fait une demande chez Apple et ça revient dans le téléphone. Mais là, présentement, il n'y a pas le lien avec les serveurs d'Apple parce que ils ont mis. C'est juste ceux qui ont leur iPhone 4S qui peut avoir accès à Siri. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, il y en a qu'un qui va partir un serveur, puis ça va coûter genre peut-être à quoi, 5-10$ là, à y avoir accès, puis ça va... Faut qu'ils programment la technologie, qui est une technologie fermée en arrière de ça. Probablement que la voie que les jailbreakers vont utiliser, c'est plus de réussir à faire passer le téléphone sur les serveurs de Apple pour un iPhone 4S. Mais je parlais, comme je le disais la semaine passée, j'ai parlé avec Dean et quand l'information est envoyée dans les méthodes data de la demande Siri vocale, il y a un numéro unique qui est là. Donc, il faudrait que les jailbreakers réussissent à avoir un pool de ce numéro-là puis réussir à le faire envoyer via leur demande Siri comme si c'était un iPhone 4S. Ouais, c'est ça. Oui, t'avais-tu quelque chose à rajouter de non. Ce côté-là? OK. Vas-y. Il y a possibilité, en fait, on sait que l'outil de recherche par défaut du iOS, c'est Google, mais il y a aussi possibilité de demander à Bing et à Yahoo pour faire une recherche. Donc, si on demande à Siri rechercher sur Internet, il va chercher sur Google, mais si on lui demande recherche sur Bing ou recherche sur Yahoo, il va obtempérer et il va aller directement sur ces outils de recherche-là. Et Apple fait ça pour, bon, évidemment, rajouter, donner en fait plus de possibilités à sa clientèle, mais aussi... pour essayer de brasser un petit peu Google parce qu'il les voit arriver avec Android, tout ça, puis il y a plus de services plus peaufinés, mieux faits pour tout ce qui est de la recherche dans Google sur les produits Android que sur le iPhone. Entre autres, Maps sur Android est capable de te parler pour te donner les directions, ce qui fait que tu n'es pas obligé de t'acheter un logiciel GPS, tout ça. Pour continuer, il y a... Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, vas-y. Si, mettons, tu demandes à Siri, va sur Bing ou va sur Yahoo, est-ce que ça change par défaut ton moteur de recherche? Non, du tout. C'est pour cette demande-là uniquement. Ah, OK. C'est bon. OK. Je vais faire rapidement parce qu'on a beaucoup d'informations encore à donner, mais on a un autre show pour que les gens nous attendent et qu'on est 8 minutes en retard. Donc, il y a possibilité, en fait, parce que Siri, tu peux l'utiliser pour rentrer dans le téléphone. Il y a une petite faille à ce niveau-là. Donc, on peut désactiver l'utilisation de Siri sur le lock screen pour éviter l'accès à ces données par quelqu'un d'autre. Donc, Siri ne fait pas encore la différence entre la tonalité de la voix de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Mais moi, je comprends pas encore que le monde ne mette pas des mots de passe à l'ouverture de leur téléphone. Effectivement. Ça me dépasse, là. C'est comme... c'est tellement facile, là. Moi, là, j'ai un mot de passe, là. J'ai même pas mes chiffres. Moi, c'est une phrase qu'il faut que je tape, là. Je suis un peu freak, là. Ben, c'est sûr que c'est pas une phrase ça de long, là. Mais c'est une phrase quand même, là. Tu sais, c'est... mais c'est ça. Le monde, là, mettez des mots de passe. Mettez le numéro de sécurité au début, parce que sinon, c'est trop facile. Après, la star, on peut tout faire avec nos téléphones. Dans les notes du podcast, on va vous laisser deux adresses. Une qui est un vidéo qui montre la retranscription d'un texte de Desproges à l'aide de Siri. Donc, c'est quand même c'est un texte qui est quand même assez compliqué, qui possède beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Et la personne le tape, si on peut dire comme ça, grâce à Siri. Et un petit article, en fait, où est-ce qu'on explique 5 façons d'améliorer Siri. Donc, c'est ça. On le disait un peu plus tôt, le port jailbreak fonctionne pas, malheureusement, là, pour les gens qui ont encore un iPhone 4 et qui pensaient peut-être pouvoir avec le jailbreak. Puis ça me fait penser, j'ai un ami aujourd'hui, je vois des messages sur Facebook apparaître, puis il a essayé le jailbreak semi-tethered. Donc, ils sont pas encore arrivés avec... avec le untethered. Et puis le gars avait besoin de son téléphone, il a été obligé de le rebooter, puis il a perdu la moitié des fonctionnalités de son téléphone. C'était très drôle. Fait qu'il demandait à quelqu'un, y a-tu quelqu'un qui peut venir avec un ordinateur me rebooter mon téléphone? C'était un peu drôle. Il faut dire que pour Microsoft et Google, Siri n'est pas très utile. Ils ont un peu tassé du revers de la main l'utilité de ce logiciel-là. Mais comme on l'expliquait un petit peu plus tôt, l'utilité de ce logiciel-là, c'est d'avoir un esprit qui est très fermé que de penser que c'est seulement sur le téléphone. Apple va décliner Siri sur à peu près tous ses périphériques, que ce soit sur le téléphone, l'ordinateur, ou que ce soit sur le Apple TV, ou même sur une télévision. C'est sûr que ça va s'en aller vers ça. Et il y a un accessoire qui est sorti cette semaine qui est très cool. C'est par les gens de ThinkGeek et ça s'appelle le Iris 9000. Donc le Iris 9000, c'est un dock qui prend la forme, qui a l'œil de HAL 9000, le robot fou dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en fait, c'est un dock sur lequel on va laisser notre téléphone, notre iPhone 4S. Le produit ne fonctionne qu'avec le iPhone 4S. Et on a une petite télécommande qui vient avec ça et sur lequel on appuie. Et quand on appuie, ça déclenche, en fait, Siri nous écoute. Donc, ils ont fait ça, en fait, pour qu'on puisse s'amuser, parce que si en anglais, on demande, et Félix le disait dans l'introduction du show, si on demande à Siri « Open the pod bay door », qui est une phrase célèbre de 2001, l'Odyssée de l'espace, il nous réplique quelque chose comme, bon, d'assez comique et qui a rapport avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis, ça fait le tour de nos nouvelles cette semaine, je crois bien. J'ai bien aimé que vous soyez là avec moi. Et puis, on a perdu des gens en chemin, malheureusement. Alex Dos Santos et... Les animateurs, oui, il reste que toi et Jeff Roy. On va les réinviter pour quitter le show. Allô, je suis de retour. Voilà. Hop. Comme ça. On allait prendre un café ensemble. Ouais. Hey, arrêtez de jouer avec les caméras, c'est moi. J'y touche pas, moi. J'ai les mains ici, là, vous voyez, là. Donc, en même temps, on peut dire salut à tout le monde et puis revenez-nous la semaine prochaine pour... dans deux semaines. Dans deux semaines, voilà, pour le podcast Mac Québec, pour une diffusion live du podcast. Fait que merci, bonne soirée. Voilà. Bye-bye. Au revoir. Bonne soirée à tous.